إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, j'ai choisi d'aborder, en cette fin de mois, un sujet qui me tenait à cœur et qui concerne l'importance de clôturer le mois de Ramadan par le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et à l'istighfar, la demande de pardon. En effet, le tawhid et l'istighfar sont d'une importance capitale dans notre religion. Le tawhid, comme vous le savez, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 56 de Surat al-Dhariyat, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que pour qu'il me voue un culte exclusif dans l'adoration. Que tu n'adores qu'Allah et que tu ne lui donnes aucun associé dans aucune de tes adorations. Et sans cela, aucune de tes œuvres ne peut être acceptée. Celui qui est polythéiste, qui donne des associés à Allah, qui invoque autre qu'Allah, qui se prosterne pour autre qu'Allah, même si en parallèle de cela il prie, il jeûne, il donne sa zakat, il fait des aumônes, etc. pour Allah, ces œuvres ne sont pas acceptées. Car le tawhid est la base fondamentale sur laquelle est basée la religion de l'islam. Sans le tawhid, aucune œuvre ne peut être valide. Sans le tawhid, aucune œuvre ne peut être bonne et acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour le musulman de donner de l'importance au tawhid, de corriger sa croyance, d'apprendre quelle est la croyance authentique, et de mettre en pratique ce qu'implique cette croyance. Et le tawhid, c'est le sens même du premier pilier de l'islam, cette attestation que l'on prononce pour entrer dans notre noble religion. Ashhadu an la ilaha illallah. Qu'est-ce que cela signifie cette parole? J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. La ilaha, cela signifie il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Illallah, sauf Allah. Allah est le seul en droit d'être adoré. Par conséquent, l'adoration tout entière doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Et il n'est pas permis de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah. Car celui qui voue ne serait-ce qu'une adoration à autre qu'Allah, comme en invoquant un mort, en invoquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sacrifiant pour autre qu'Allah, comme pour les djinns ou pour les sorciers, alors celui-ci est tombé dans le polythéisme majeur qui s'oppose à la base fondamentale de l'islam. Et s'il meurt sur cela sans s'en repentir, le paradis lui sera interdit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Innahu man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah. » Certes, celui qui donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Ne sentira même pas son odeur. Il est donc indispensable pour le croyant de comprendre l'importance de ce tawhid, qui est la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble de ses prophètes et de ses messagers alayhim salatu wassalam, comme on l'a vu à travers ses récits. Il dit subhanahu wa ta'ala en s'adressant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au verset 25 de Surat al-Anbiya, « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ » Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager, sans lui révéler, il n'y a de Dieu en droit d'être adoré que moi, adorez-moi donc. On a vu cela à travers le récit de Nuh, alayhi salam, à travers le récit d'Ibrahim, alayhi salam. On a vu que c'est le premier ordre qui a été adressé à Moussa, alayhi salam. Tout ceci nous montre l'importance du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Il dit aussi, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donner aucun associé. Le tawhid est donc le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et le serviteur qui réalise cela, qui voue réellement un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne lui donne aucun associé dans l'adoration, mais qui voue toutes ses adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui aussi a un droit sur Allah. Et le droit du serviteur sur Allah, c'est qu'il lui pardonne et qu'il ne le châtie pas s'il ne donne aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si tu meurs sur le tawhid en n'ayant donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te pardonnera tes péchés et ne te châtiera pas. On voit que le tawhid est donc une chose qui pèse très lourd dans la balance. Et à travers cela, on voit le lien qu'il y a entre le tawhid et l'istighfar, la demande de pardon. Car l'istighfar, c'est les demandes que le serviteur adresse à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il lui pardonne ses péchés. Donc le serviteur a besoin de cela. Tu as besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Tes erreurs sont nombreuses, tes péchés sont nombreux, tes faux pas sont nombreux. Tu as donc besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te les pardonne. Et pour cela, tu vas devoir multiplier les demandes de pardon. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner tout faux pas, toute erreur que tu as pu faire et tout péché ou tout manquement vis-à-vis du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le délaissement d'une obligation ou alors que tu aies commis un interdit, tu demandes à ton Seigneur de te pardonner. Tu demandes à ton Seigneur d'accepter ton repentir. Tu délaisses ce péché, tu le regrettes et tu prends la ferme décision et tu as la volonté de ne plus revenir à ce péché. C'est-à-dire, si ce péché concernait le délaissement d'une obligation, tu prends la ferme décision d'être assidu à cette obligation. Si ce péché concernait un interdit que tu as commis, tu prends la ferme décision de ne plus recommettre cet interdit. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Et si tu fais cela, en ayant l'intention sincère de te réformer à l'avenir, alors Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera tes péchés. Contrairement à celui qui implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne cherche pas à se réformer, mais qui reste sur ses péchés, qui persiste sur cela, continue de délaisser ses obligations, continue de commettre des interdits et des mauvaises actions, alors celui-ci, sa demande de pardon n'est pas correcte. Elle n'est pas juste, car il demande le pardon mais continue de commettre l'erreur. Comme c'est le cas de nombre de personnes qui, peut-être durant ce mois, ont délaissé certains péchés, ont été assidus à leurs prières obligatoires, ont fait des efforts dans le bien et les bonnes œuvres. Mais, dans quelques jours, une fois que le mois de Ramadan sera terminé, ils vont retourner dans leurs péchés, dans leurs mauvaises actions et dans leur insouciance, wal'iyadu billah. Et ainsi, détruire tous les efforts qu'ils ont faits durant ce mois. Et il n'y a pas de doute que ceci est une perte évidente. Le comportement correct que tu dois avoir en cette fin de mois, c'est que tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala après t'être repenti sincèrement de tes péchés et en ayant la ferme volonté de te maintenir sur le chemin de la droiture, même après le mois de Ramadan. Si tu agis ainsi, alors tu peux espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés passés. Et comme on a dit, le serviteur a besoin de multiplier la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'istighfar, l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie des habitudes des prophètes alayhim salatu wassalam, de Adam jusqu'à Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhim. On a vu à travers plusieurs récits, dans le récit de Adam alayhi salam, on a vu dans le récit de Yunus, dans le récit de Moussa, les prophètes alayhim salatu wassalam avaient pour habitude de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon, car ils étaient conscients qu'ils avaient besoin du pardon d'Allah. Donc si les prophètes avaient besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et multipliaient l'istighfar et multipliaient les implorations du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a mentionné à leur sujet dans le Coran, alors que dire d'autre que les prophètes? Si eux avaient besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dire de toi et de moi? Ne penses-tu pas que nous avons grandement besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos nombreux péchés? C'est pour cela qu'il faut être conscient de nos manquements. En cette fin de mois, il se peut qu'une personne se dise « Alhamdulillah, j'ai clôturé la lecture du Coran, j'ai prié tous les soirs, j'étais assidu à la prière de nuit, j'ai multiplié la lecture du livre d'Allah, j'ai fait ceci et cela comme bonnes actions. en oubliant ses péchés et ses mauvaises actions. Tu ne dois pas compter tes hasanats. Tes hasanats, elles sont inscrites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la récompense des bienfaisants ne sera jamais perdue. Ne t'inquiète pas pour cela. Tu n'as pas besoin de les compter, de les recenser. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu les as accomplis sincèrement pour lui et conformément à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il t'accordera ta pleine récompense. Mais ce que tu as besoin de compter, c'est tes péchés, tes mauvaises actions, tes erreurs, tes manquements. C'est sur cela que tu dois te concentrer. Pourquoi? Car compter tes bonnes actions pourrait te mener à la vanité, pourrait te mener à penser que tu es une personne pieuse, une personne vertueuse, qui est sur la droiture, qui a atteint le summum. Or, tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Chacun d'entre nous doit être sincère avec lui-même et ne pas être pris de vanité ou d'orgueil après avoir accompli de bonnes actions, au risque d'en perdre la bonne rétribution. Alors que compter tes péchés, compter tes mauvaises actions, compter tes manquements, cela va t'aider à te remettre en question, à t'améliorer, à te corriger et à rester ferme sur le chemin de la droiture. Même dans les adorations, on demande le pardon. Regardez lorsqu'on termine la prière, quelle est la première chose que l'on dit après les salutations? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à 3 reprises. Viens-tu de commettre un péché? Non, tu viens de prier. Tu viens d'accomplir ton obligation. Dans cette prière, tu as proclamé la grandeur d'Allah, proclamé sa pureté, tu l'as loué, tu as récité des versets de son noble livre. Tu t'es incliné, tu t'es prosterné. Et lorsque tu termines, la première chose que tu dis, Astaghfirullah, j'implore le pardon d'Allah. Pourquoi? Car il n'y a pas de doute qu'il y a eu des manquements dans cette adoration. Il n'y a pas de doute que nul parmi nous ne peut prétendre avoir prié à la perfection. Nul parmi nous ne peut prétendre avoir été concentré dans sa prière du début à la fin. Tu as forcément eu des manquements dans cette prière. C'est pour cela que tu implores le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, on a vu, lors de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha comme invocation. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Tu as besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu es dans le bien et les bonnes actions. Car ces bonnes actions ne sont pas à l'abri des manquements. Ces bonnes actions ont besoin d'être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même lorsque tu es dans le bien et les bonnes actions, tu multiplies la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de la situation de celui qui est dans les péchés et les mauvaises actions? Il n'y a pas de doute qu'il a encore plus besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc multiplier cette demande. Astaghfirullah. Allahumma ighfirli. Rabbi ighfirli. Allah pardonne-moi, mon Seigneur pardonne-moi, j'implore ton pardon, ô Allah. Et ceci ne doit pas être seulement des paroles que tu prononces avec ta langue, sans te corriger, sans corriger tes erreurs, sans combler tes manquements. Mais tu dois prononcer cette parole et te corriger. Si tu as fait des erreurs, tu les corriges. Si tu as des manquements, tu les combles. Si tu as délaissé une obligation, tu t'empresses de l'accomplir. Si tu as fait un péché, tu t'empresses de le délaisser, et ainsi de suite. Si tu fais cela et que tu te repens sincèrement à Allah et que tu implores son pardon, alors Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Et tu seras comme celui qui n'a pas commis de péché. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas commis de péché. Mais pour cela, tu dois remplir les conditions du repentir. Comme on a dit, en cessant ce péché, en ayant des regrets pour le passé, et en ayant la ferme volonté de ne plus recommettre ce péché. Et si ce péché est lié au droit d'une créature, tu te dois de réparer les torts causés. Donc, le serviteur a besoin de ces deux choses. Le tawhid, voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, sinon tes œuvres ne seront pas acceptées. Et tu as besoin de multiplier la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te pardonne tes manquements, tes péchés et tes mauvaises actions. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre, verset 19 de Sourate Muhammad, Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Sache qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi qu'en faveur des croyants et des croyantes. Sache qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah. Ceci est le tawhid. Voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans tes adorations. Éloigne-toi de toute forme de polythéisme. Ensuite, wastaghfir li dhanbik. et implore le pardon pour ton péché. Implore le pardon pour tes manquements. Implore le pardon pour tes faux pas et tes erreurs. Tu vois donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réuni dans ce verset entre le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah, et al-istighfar, la demande de pardon. Il nous a ordonné les deux. Il nous a ordonné de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration, et il nous a ordonné d'implorer son pardon. Et il nous ordonne aussi d'implorer le pardon pour les croyants et les croyantes, car il y a une grande récompense en cela. Que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner tes péchés, et de pardonner aussi aux croyants et aux croyantes. Tu as une récompense pour chacun d'entre eux. Donc, tu dis, Allahumma ghfirli, ou Allah pardonne-moi, ou alil muslimin ou al muslimat, ainsi qu'aux musulmans et aux musulmanes, ou al mu'minin ou al mu'minat, aux croyants et croyantes, al ahya'i minhum wal amwat, les vivants parmi eux et les morts. Tu demandes le pardon pour l'ensemble de tes frères et sœurs parmi les croyants et les croyantes, des premières générations jusqu'aux dernières. Et tu as une récompense pour chacun d'entre eux. Donc, tu peux obtenir ainsi des millions et des millions de hasanat en quelques paroles. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que le serviteur a grand besoin de ces deux choses. Le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala sans quoi aucune de ses œuvres ne peuvent être acceptées. Et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés et tes manquements. Et c'est pour cela que Yunus alayhi salam, lorsqu'il s'est retrouvé dans l'obscurité du ventre de la baleine, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez de cette invocation qu'il a prononcée, comme on l'a vu lors de la méditation du récit de Yunus alayhi salam. Il a prononcé cette parole immense alors qu'il se trouvait dans le ventre de la baleine. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors de toi. Le tawhid, il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul endroit d'être adoré. Subhanak, pureté à toi. Tu es exempt de tout défaut, Allah. Inni kuntu min al-zalimin. J'ai certes été du nombre des injustes. C'est-à-dire qu'il reconnaît son péché et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son péché. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la délivrance. Donc ceci fait partie de l'habitude des croyants et des vertueux. De sans cesse implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et notamment à la fin de l'accomplissement des œuvres pieuses, comme on l'a vu à la fin de la prière, mais également à la fin de ce mois béni, le mois de Ramadan, durant lequel tu as certainement fait des efforts pour te rapprocher de ton Seigneur, mais durant lequel aussi tu as peut-être commis certains faux pas ou tu as eu certains manquements dans tes œuvres. Alors tu as besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne ses manquements et ses mauvaises actions. Et c'est pour cela qu'il est important de clôturer ce mois en se rappelant de notre obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et en multipliant l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit se repentir à Allah et implorer son pardon 100 fois par jour. Donc si telle était la situation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute que nous avons encore plus besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala étant donné notre situation et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous réformer et de nous pardonner nos péchés et nos mauvaises actions. Et comme on a dit, j'insiste sur cela, car c'est très important, l'istighfar, ce n'est pas seulement une parole que tu prononces avec ta langue. Ceci n'est pas suffisant et n'est pas profitable. Mais il est important que tu prononces cette parole avec ta langue alors que celle-ci est en accord avec ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur soit rempli de remords et de regrets en raison de ces mauvaises actions que tu as commises et que tu aies dans ton cœur cette ferme volonté de te réformer, de te corriger et de te maintenir sur la voie de la droiture. Ceci était donc un rappel que j'ai tenu à faire en cette fin de mois afin que nul parmi nous ne laisse partir en poussière ses efforts qu'il a faits durant ces jours bénis, mais que chacun d'entre nous se rappelle qu'il nous incombe de persévérer sur ce chemin, la voie de la droiture, la voie des bonnes actions, la voie des œuvres pieuses, et que le Seigneur de Ramadan est le Seigneur également des autres mois de l'année, et que nous nous devons de l'adorer tout au long de l'année, et pas seulement durant le mois de Ramadan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter en cette fin de mois parmi ceux dont les œuvres auront été acceptées et qui auront été affranchis du feu de l'enfer. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de revivre ce mois dans le bien et le salut encore de nombreuses années. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre repentir, de nous pardonner l'ensemble de nos péchés passés et de nous aider à persévérer dans le bien et les bonnes œuvres tout au long de nos vies. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.